L'horloge a sonné, l'horloge a sonné, l'horloge a sonné, l'horloge a sonné, l'horloge, l'horloge a sonné. Ils m'ont tous saoulé. J'ai perdu sommeil, j'ai gagné du blé. À deux sur la taille, tout seul sur l'affaire. Un pas sur la scène, deux pas en arrière. Le L, le P, le K, je ne me mélange pas. Si tu frissonnes, c'est pas parce qu'un ange passe. Ma vie c'est champagne, coin VIP. En partant de bout de pain et de paquet de chips, j'ai tout mérité, j'ai rien hérité. Fais-toi pas d'idée, je reviens des enfers. Mes rêves enfermés, j'ai trouvé la clé. Assis sur le passé, destin tracé. Je pète la forme, fils de ch, je casse les codes, braque les notes. T'es mal et con, ils se prennent pour des boss, mais ne sont qu'au premier niveau. Je kick ça comme un porc, j'emporte tout sur mon passage. Mais basta, flow bestial, je pose et basta. Et basta, j'ai dit je pose et basta. Dans mes potes, y'a des pros de la castagne. J'ai mis la prod à 4 pattes, des terres depuis le cartable. Je vais qu'envoyer des cartouches et des frappes à rap, t'as capté. Pour moi rapper c'est banal. À chaque fois je me balade, plus de flow qu'un canal. Let's go. Trou de boulettes sur la jambe droite, du complet sur l'agenda. Toujours aussi froid qu'une agenda. Saoulé, ils m'ont tous saoulé. J'ai mis ma ville saoulé, bombe. En petite foulée sur la prod pour éviter la blessure. À l'occasion j'ai enfilé mon plus beau vêture. Et je peux même chanter si je veux. Je gagne des sous en coupant des cheveux. Ferme les yeux, fais un vœu. Personnellement, j'ai demandé une paix de Dieu. LP Kalash. Ils m'ont tous saoulé. Ils m'ont tous saoulé. LP Kalash.